Tous les enfants de Dieu jouissent d'un immense privilège, celui de pouvoir s'adresser à Dieu en l'appelant « Papa ». Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous des vocables qui inspiraient le respect comme El Shaddai, Elohim et Yahvé. Le nom de Dieu était tenu en si haute estime chez les Juifs pieux qu'ils ne le prononçaient jamais à voix haute par crainte de l'appeler en vain. Les scribes, chargés de reproduire les Écritures, lavaient leurs mains immédiatement après avoir écrit ce nom très saint. Or, en venant sur la terre, Jésus nous a présenté une nouvelle dimension du caractère de Dieu. Il l'appelait continuellement Dieu Père. Charles Stanley nous rappelle que les croyants détiennent aussi le privilège d'appeler Dieu leur Père. Restez avec nous pour comprendre les implications de ce privilège. On peut trouver dans la Bible plusieurs noms pour désigner Dieu. En effet, son nom y est invoqué de plusieurs façons. Or, qu'en est-il de vous? Comment vous représentez-vous Dieu? Quelle relation avez-vous avec lui? Lorsque vous éprouvez de la lassitude et de la fatigue, sous lequel de ces noms vous adressez-vous à votre Dieu? Lequel de ces noms revêt le plus de signification pour vous? Quand vous éprouvez de la peine, lequel de ces noms vous réconforte le plus? Et quand vous êtes dans la crainte et même un peu désespéré, quand vous vous sentez incapable de faire face à une situation pénible, lequel de ces noms vous rassure le plus? Lorsque je pense à tous ces titres sous lesquels Dieu s'est fait connaître dans sa parole, je crois que celui qui répond le mieux à tous ses besoins est celui de Père. Avez-vous déjà réfléchi à la grandeur du privilège qui nous est accordé de pouvoir appeler le Dieu Tout-Puissant de l'univers simplement Père? Nous allons en discuter dans cette émission. Nous allons méditer sur l'immense privilège de connaître Dieu comme notre Père. Tournons tout d'abord les pages à un passage qui pourra sembler familier à certains d'entre vous, puisque cette prière était enseignée aux petits-enfants dans les écoles, il n'y a pas si longtemps. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 8 à 13. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Cette prière nous a été léguée par Jésus lui-même, afin que nous sachions comment nous adresser au Dieu de gloire. Et l'idée de s'adresser à Dieu de cette façon, en l'appelant Père, était révolutionnaire pour l'époque. Rappelons-nous que Jésus-Christ est venu sur la terre d'abord et avant tout pour mourir sur une croix. En faisant cela, il payait la dette de nos péchés, nous permettant ainsi d'entamer une relation avec Dieu comme cela ne s'était jamais vu auparavant. Grâce à ce sacrifice, l'homme pouvait désormais appeler Dieu « mon Père ». Jésus est venu sur la terre pour nous révéler la vérité. Cette vérité, c'est que nous pouvons entretenir une relation personnelle avec lui. Et nous pouvons connaître Dieu comme Père seulement par la révélation de Jésus-Christ lui-même. La plupart des gens ne considèrent pas Dieu de cette façon. Ils n'expérimentent pas un Dieu comme étant leur Père. Dieu leur semble plutôt distant. Même certains croyants ont cette conception. Pour eux, il est éloigné. Or, une telle position n'est pas étonnante, à plus forte raison quand une personne est rebelle à l'autorité de Dieu. Elle ne peut s'adresser à lui en des termes affectueux. Elle le verra tout simplement comme étant Dieu, ce Dieu distant. Cependant, Jésus est venu pour nous permettre de comprendre que Dieu est notre Père céleste. Lisons le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul commence toujours ses épîtres de la même manière. Examinons les trois premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si vous étudiez les épîtres de Paul, vous découvrirez qu'il considère toujours Dieu comme un Père. C'est un des fondements de sa perspective de Dieu. Il parle de nous comme étant les enfants de Dieu et comme appartenant à la maison de Dieu et à sa famille. Il nous explique que nous ne pouvons plus être séparés de Dieu, car nous sommes maintenant co-héritiers avec son Fils, Jésus-Christ. Cela signifie qu'en plus de connaître Dieu du point de vue de sa grandeur et de sa bonté, nous pouvons le connaître personnellement comme un Père céleste. Jésus parlait constamment de Dieu de cette façon. « Mon Père, votre Père, notre Père, le Père. » Il voulait nous faire comprendre ce que les gens n'avaient pas compris auparavant. Il était tout à fait approprié que Jésus-Christ nous révèle cette vérité, puisque ce n'est que par lui que nous pouvons connaître Dieu comme étant notre Père. Or, ici, nous devons faire preuve de vigilance, car beaucoup de gens se laissent tromper sur ce point. Ils disent, en fait, Dieu est le Dieu de tout le monde, il est notre Père à tous. Ils iront même jusqu'à prétendre qu'ils croient en la paternité universelle de Dieu et en la fraternité universelle. Ils croient ainsi que Dieu est le Père de tout homme et de toute femme, et que nous sommes tous frères. Or, c'est une fausse piste et une erreur. Dieu est le Créateur de toute vie. Toute vie vient de lui. En ce sens, nous pourrions dire qu'il est effectivement le Père de toute l'humanité. Mais nous devons distinguer ce sens général d'une relation personnelle avec Dieu. Et en ce dernier sens, Dieu n'est pas personnellement le Père de tout homme et de toute femme. Relisons Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est intéressant de remarquer qu'immédiatement après avoir parlé de Dieu en termes qui soulignent notre relation avec lui, Jésus fait référence à sa sainteté. Dieu est dans les cieux et son nom est saint. Nous devons nous rappeler que c'est à cause de la sainteté de Dieu que l'homme pécheur est séparé de lui. Cette prière que Jésus enseigne à ses disciples est aussi un modèle de prière à l'intention de tous les croyants. En enseignant ses disciples comment ils devaient prier, Jésus nous enseigne également comment nous devons prier. Dans cette prière, en plus de nous enseigner comment prier, il nous montre où prier et de quelle manière le faire. Et si on me demandait, cette prière peut-elle être récitée par n'importe qui? Je répondrais qu'elle peut l'être effectivement. Nous ne pourrions défendre à quiconque de faire cette prière. Cependant, quand il s'agit de vraiment expérimenter la signification de ces paroles, seuls ceux et celles qui appellent Dieu leur Père ont un droit de faire cette prière. N'importe qui peut réciter cette prière. En fait, je souhaite que le monde entier récite cette prière. Je souhaite que tous les enfants dans toutes les écoles du monde récitent cette prière chaque matin, car je crois en la puissance de cette prière. Quand une personne s'adresse à Dieu et qu'elle est concentrée sur lui, Dieu sait comment toucher son cœur. Or, j'aimerais simplement dire que seuls ceux et celles qui croient en Jésus-Christ ont le droit et l'autorité de faire cette prière dans l'attente que Dieu entendra et répondra à leur prière. Quel est le point de vue biblique sur toute cette question? J'aimerais attirer votre attention sur ce que Jésus dit concernant ce Dieu qui est en même temps notre Père et comment cela doit influencer notre attitude lorsque nous nous approchons de lui. Dans le livre de l'Évangile selon Jean, Jésus fait référence à Dieu comme étant un Père. La question est de savoir si une personne qui rejette Jésus-Christ a le droit d'appeler Dieu son Père. Le concept de Père implique une relation. Il implique, bien sûr, l'idée de filiation. Si nous avons un père, nous faisons partie de sa famille. Or, Comment pourrais-je prétendre faire partie de la famille de Dieu lorsque je rejette le Fils de Dieu, qui est la porte d'accès à cette famille? Comment puis-je entrer dans la maison du Père si je me détourne de la seule entrée de cette maison? Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus discute avec les pharisiens et d'autres personnes qui ne croient pas en lui. Et il est justement question de lien de parenté. Lisons Jean chapitre 8, versets 37 et 38. C'est Jésus qui parle. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Jésus cherche ici à nous faire comprendre quelque chose de très important. Il existe deux pères spirituels dans l'univers. Le premier est Dieu le Père, c'est-à-dire le Père du Seigneur Jésus-Christ, que nous prions. Et dans les versets qui suivent, 39 à 44, il nous parle de l'autre Père. Lisons ces versets. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ces paroles peuvent sembler très dures. Nous avons le choix entre croire que Jésus-Christ pensait vraiment ce qu'il disait ou croire qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Et s'il ne pensait pas ce qu'il disait, cela signifie qu'il était un menteur, un charlatan et même un imposteur. Si c'est le cas, nous pouvons tous fermer notre Bible et nous mettre à faire autre chose. Mais nous savons qu'en réalité, il disait la vérité. Comme Jean, chapitre 14. Verset 16 nous le rappelle. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et puisque le Saint-Esprit est effectivement venu dans ce monde, à la Pentecôte, nous pouvons nous fier à la parole de Jésus. Et ici, il nous explique qu'il existe deux pères spirituels dans l'univers. L'un d'eux est Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver. L'autre est le diable. Et si nous voulons savoir lequel des deux pères est le nôtre, nous n'avons qu'à répondre à une question très simple. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Si vous n'aimez pas Jésus, vous avez rejeté le Fils de Dieu et votre Père est le diable. Je sais que cela peut sembler difficile à avaler, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. C'est son enseignement. Et bien que nous n'aimions pas forcément entendre cela, nous devons choisir notre filiation entre deux pères spirituels. Il n'en existe que deux dans le monde. L'un d'eux est le diable, et l'autre est Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu le Fils, nous a présenté le seul véritable Père. Il s'agit de Dieu le Père, celui que Jésus a appelé « mon Père ». Il est parfois facile de déterminer cette filiation chez les gens qui nous entourent. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent faire appel à Dieu comme elles feraient appel à un serviteur, qu'elles peuvent le traiter comme elles le veulent, raconter toutes sortes de choses sur son compte, blasphémer son nom et ensuite dire « Oh, je crois en Dieu, je prie Dieu. » Or, de quel Dieu parle-t-elle? Quel Dieu prie-t-elle? Si elles ne connaissent pas Jésus, elles ne connaissent pas le Père Céleste. Un immense privilège nous a été accordé, celui de connaître le vrai Dieu. Et comment l'avons-nous connu? Par nos propres efforts? Grâce à notre sagesse supérieure? Non, nous l'avons connu par son Fils Jésus-Christ. Il est venu dans le monde mourir sur la croix pour nos péchés, mais ce n'est pas tout. Il est aussi venu dans le monde afin de nous permettre de comprendre les Écritures, de lire, de méditer ces passages de la Bible et de découvrir que Dieu est beaucoup plus qu'une espèce de force quelque part dans l'univers. Dieu est un Père rempli d'amour et nous pouvons nous adresser à lui en ayant à l'esprit cette image. Dieu a accordé à chacun de ses enfants le privilège et le droit de l'appeler Papa. Considérons ces choses que Jésus a dites sur son Père. Considérons également comment la plupart des gens traitent leur Créateur aujourd'hui. Considérons les paroles de Jésus dans ce passage. Vous suivez votre Père, le diable. D'une part, nous avons Dieu le Père, le Dieu de la Bible, le Dieu de vérité qui nous offre la vie éternelle. Et d'autre part, nous avons Satan qui se présente comme un Dieu. Dans une société qui s'est détournée du seul vrai Dieu, il est remarquable de constater que beaucoup de gens expriment leur filiation avec leur vrai père, Satan, de plus en plus ouvertement. On parle de l'enfer comme d'un endroit où il fait bon vivre. On exprime sa sympathie pour le diable. Les médias de communication de masse accordent une place prépondérante à Satan et à ses serviteurs. Nous pouvons constater tout autour de nous les conséquences du péché dans la vie des gens. Nous sommes conscients des conséquences du mal, de la méchanceté et de la rébellion dans la vie des gens. Nous réalisons les conséquences d'une vie de désobéissance envers Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. Les gens recherchent une paix, une satisfaction, une joie et un bonheur durable, mais tout cela leur fait défaut. Où est leur assurance? Où est leur réconfort dans les temps de chagrin et de difficultés? Où est ce support qui leur permettrait de faire face aux circonstances de vie les plus difficiles et les plus éprouvantes et d'en sortir vainqueur semaine après semaine, année après année? Tout cela n'est accessible que par Dieu le Père, et nous ne pouvons le connaître que par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voici la question. Comment pouvons-nous le connaître? Nous pouvons commencer par comprendre le modèle de prière donné par Jésus-Christ et que nous répétons ici. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Qu'essaie-t-il de nous faire comprendre? Simplement que nous avons un merveilleux Père céleste. Et comment Dieu est-il devenu notre Père céleste? Regardons ce passage que vous connaissez probablement par cœur dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Nous y trouvons une vérité très importante, au verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière qui éclaire le monde, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cela signifie que nous obtenons le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Tournons maintenant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Nous y verrons en quels termes Paul décrit notre relation avec Dieu dans les versets 15 à 17. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Regardons maintenant cette petite épître à la fin de la Bible. La première épître de l'apôtre Jean au chapitre 3. Nous pouvons y remarquer un passage magnifique sur un Dieu qui se révèle comme étant notre Père. Versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et un peu plus loin, au verset 10, nous pouvons lire « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Cela ne veut pas dire que si vous perdez patience avec un frère en une occasion et que vous vous mettez en colère contre lui, vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Ou si vous commettez un péché, cela ne veut pas dire que vous êtes disqualifié de la famille de Dieu. Or, si ces comportements isolés, ces chutes momentanées deviennent une habitude et un mode de vie, si vous vivez continuellement dans la désobéissance, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Nous trébuchons et nous tombons tous à un moment ou un autre, mais Dieu nous pardonne si nous nous repentons. C'est là un des aspects distinctifs de la paternité de Dieu. Il est toujours prêt à pardonner à ses enfants. Notre statut d'enfant de Dieu dépend beaucoup plus de notre relation avec Dieu que de notre performance. Et Dieu merci. C'est pourquoi nous devons sans cesse nous rappeler que Dieu est notre Père et que Jésus est venu sur la terre afin de nous révéler Dieu comme étant notre Père. C'est de cette façon qu'il s'adressait à son Père. Et Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous pouvons obtenir un accès au Père. Dieu est notre Père et personne ne peut nous enlever ce que notre Père nous a donné. Nous en avons la preuve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. C'est encore Jésus qui parle. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous pouvons appeler Dieu notre Père céleste quand nous connaissons personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur. Cette relation n'est pas temporaire. Elle n'est pas fondée sur notre comportement ou nos actions, bonnes ou mauvaises. Elle est fondée sur notre foi. À partir du moment où nous faisons confiance à Jésus-Christ en tant que Sauveur, que nous acceptons le fait que sa mort sur la colline du Calvaire a complètement payé la dette de notre péché, que nous disons « Je crois que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et qu'il m'a sauvé » et que nous lui confessons nos péchés, nous devenons enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'à ce moment, le Saint-Esprit nous scelle jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire jusqu'au jour où le Père nous rappellera à lui. Nous sommes entre les mains de Dieu à partir du moment où nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur de notre vie. Nous pouvons alors nous approprier la promesse de Jésus écrite dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 29 et 30. « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Nous naissons une première fois physiquement lorsque nous venons au monde. Nous expérimentons une deuxième naissance spirituelle quand nous intégrons la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le message de Jésus à Nicodème dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'apôtre Paul utilise un autre terme. Il dit que nous sommes adoptés. En d'autres mots, Dieu a décidé de nous tendre la main malgré notre condition pécheresse, désespérée et perdue. Il a pris la décision de pardonner nos péchés et de nous sauver. Or, ce n'est pas tout. Il a en plus décidé de faire de nous des membres de sa famille. Il a fait de nous ses enfants, des enfants du Dieu vivant. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu par la foi en son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons maintenant dire « Notre Père qui est aux cieux ». Mon Père, notre Père, le seul vrai Père. Nous parlons ici du Dieu des Écritures, le Dieu de la Bible. Il est exclusif. Il est unique en son genre, le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de Dieu, notre Père céleste. Après avoir écouté cet enseignement de Charles Stanley, pouvez-vous vraiment dire ou affirmer que Dieu est votre Père? Votre relation avec lui en est-elle une de père à fils ou fille? Si ce n'est pas le cas, écoutez le conseil de Charles Stanley dès aujourd'hui et faites confiance personnellement à Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et Seigneur de votre vie. Après avoir demandé au Seigneur le pardon de vos péchés, Dieu vous adoptera dans sa famille. Vous recevrez alors tous les droits et privilèges consentis à un fils ou à une fille. Dieu nous permet d'accomplir sa volonté, même lorsque nous sommes à bout de force. Comme nous l'a enseigné Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31. « Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.